Why? Why? What up? Yeah. What up? Yeah. What up? Yeah. Bitches. This up's music. And they saw seeing you no bendo, gotta feel the fucking amount. Bendo. Sim, andei atrás do money, atrás do milhão. Money, milhão. Ponta pé, bicicleta, eu sou João Pinto. João Pinto. Eu como relva, só fumo em the window. Duas da manhã não consigo adormecer. Não. Problemas na cabeça não consigo resolver. Eu lutei. Não ganhei nada. Eu não tenho amigos. Migos. Eu só tenho brothers. Puclis, j'allume des fumées, comme au parc des princes. Je te baisais la nuit, je me barre en crédit. À part si le parquet grince. Ici y'a pas que des pinces, y'a des gens généreux. En manque d'euros, mais reste heureux. Pareil, pour pas être paro peureux, t'arrêtes dur de recoller les pots pétés de peine de perdu. C'est dit crasseuse de retrouver. On attend le jour de la paix, c'est la haine quand y'a pas de pilon. Pique comme la baie, j'lasse comme le papillon. J'kiffe l'oseille, le pilon en plaquette. Les instruits qui fly, y'a pas de beat. J'suis chez Père sur ma putain de planète. Autour de moi, les jaloux gravitent. J'avoue que le temps passe grave vite. Le rap est mort, y'a plus de classique. Que des hommes morts chantés par des putes basiques. Reconnaître mes dents m'arrache la gueule comme un pur sachite. Vision hardcore, j'vomis mes tripes dans un cul de bassine. Ensemble Paris, je ne porte pas de barbale. Vas-y petit, lâche-toi, craché par le mal. Quand les Schmitt viennent chez toi et au jouer le Batman, je fumerai comme pas le mal, te boufferai comme Pac-Man. Tu t'excuses, y'a pas de mal, l'erreur est humaine. Y'a pas de récu'aime, bonhomme dans la gestuelle. Elle me tue, son gros cul me parle sexuel. Quand elle s'est su la bite au fond d'une ruelle. Je crache au fond de la gorge, je suis si cruel. Rime circulaire, lui mets pas de coups si tu l'aimes. Faut pas de nucléaire, c'est trop tard pour crier à l'aide. Comme un système solaire, je tourne en rond, c'est la merde sur la tête de ma mère, joue pas le foot, monte en l'air. Fais pas le montagne à faire quand tu tires des riders. Avant bras de montagnard, je découpe comme un copter. Une tête de conquer, on va te gigoter frère. Des billets, des bimbos, des cocktails à l'hôtel. Elle est contente, la chica, elle voudrait monter. Elle contemple mon chip pendant que je fume mon pet. Elle se répète, mais la pute, qu'elle encaisse. Qu'elle encaisse, qu'elle encaisse quand je lui mets dans les fesses. Les Schmitt montent une enquête, commission à la tête. Toujours un pilon posé sur le chevet. Ma vie c'est mon œuf, je suis loin d'être achevé. Je suis passé de Laurent à LOW. J'ai troqué le sport contre plein de gros tarpés. Fini vite les études car je pensais qu'à rouler. Si vrai quand t'es jeune, rien ne peut te stopper. Donc laisse-moi dans ma fondée. Là je suis pépère en train de planer. Pépère dans ma chierté. Là je suis à l'OS cerveau retourné. Tu peux d'amis sur qui compter. Y'a beaucoup d'envieux de te traiter. Je suis des qui gros, c'est ma vérité. J'ai frites sur son meuche, je me pète la tête. Oui, dans la chevaux. Toujours posé dans le coffin, frère, je suis faux. Pas de coco. Ma vie, j'ai pété ta femme, on pété le chiro. Compte à zéro. Crédit sur crédit, gros, ça te perce les chevaux. Faut des lolos. Mais t'en manges et tu kiffes le pif quand c'est bingo. Wesh, moi, c'est l'eau.